96.2. Nous sommes le 25 décembre. Et comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas le jingle habituel. C'est un nouveau jingle avec Last Night. Pour ces 3 heures de musique, une nouvelle version dans le DMT. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous n'aurez point à se dire que de la musique qui va vous replonger dans les années 60, 70, 80, 90 et aujourd'hui. Un petit pêle-mêle. Voilà, une photo toi, une photo pour lui, une photo pour elle. En fait, une photo pour nous. Bon après-midi, bonne digestion. Passez d'agréables moments en famille. Reçu par le Père Noël si vous avez été sage de beaux cadeaux. Et moi, le cadeau que je peux vous faire aujourd'hui, le Didier Co, c'est de vous faire replonger dans la jeunesse pour certains, des pistes de danse pour d'autres. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques. Et moi, et moi, et moi. Avec mes manies et mes tites. Dans mon petit lit, en plume d'oie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 50 millions de gens imparfaits. Et moi, et moi, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèvent la faim. Et moi, et moi, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains. Et moi, et moi, et moi. Je suis tout nu dans mon bain. Avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens. Et moi, et moi, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin. Avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Et moi, et moi, et moi. Comme un con de parisien. J'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselles que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaudrons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Mais oui, vas-y, mon petit, fais-toi plaisir. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Juste Beatles. Jamais m'a dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de te décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. J'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années, parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Un jour ou l'autre pour te quitter. Toi tu joues avec le feu et tu t'amuses. roulotte pour te quitter. Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher. À défaut de marcher, je vais prendre ma mobylette. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. C'était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. I hunger for your touch. Ça se passe bien cet après-midi. C'est sympa. Allez, je vous laisse tranquille. L'essence. Nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison. Ça fait bien loin à pied. Oh, je connais les garçons. L'endroit est désert. Je te vois bien venir. Il a tout pour plaire. Il faut repartir. Mais je n'ai plus d'essence. Ça, je n'en crois rien. Nous sommes en avance. Ça t'arrange bien. Il faut rester là. Ma maman m'attend. Surtout ne t'en va pas. Tu es échenapin. Surtout n'ouvre pas la porte. Dehors la pluie est si forte. Entends-tu le tonnerre gronder? Viens dans mes bras pour te réchauffer. Dans mes bras il fait bon. Tu vois je le savais. À pied c'est trop long. Tu me fais bien marcher. Tu devrais me croire. Moi je sais que tu mens. Je n'ai rien dans le réservoir. Mais je t'aime tant. Je voudrais t'embrasser. À plus d'une fois. Pour te réchauffer. Prends-moi dans tes bras. Ah comme on est bien. Pour l'essence, on est loin. Oh oui, c'est tant mieux. Boutoum, boutoum, boutoum. Allez, allez, allez, oh. Boutoum, boutoum, boutoum. Allez, allez, allez, oh. Boutoum, boutoum, boutoum. Allez, allez, allez, oh. Boutoum, boutoum, boutoum. Allez, allez, allez, oh. Oh, dans le fond, nous avons de la chance d'être tombés en panne d'essence. Après tout, ici, on est très bien. Je ne regrette vraiment rien. Pour toi, je perds l'esprit. Attendons un peu. En fait, tu m'as compris. Le ciel est bleu. Tu ne m'en veux pas. Je t'aime trop. Alors restons comme ça. Oh, comme il fait bon. Wow. Chérie, je te demande pardon. Dans la malle, il y a un bidon. C'est seulement maintenant que j'y pense. Il est plein d'essence. Allez, allez, allez. lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil cheveux blancs, poupées de cire, poupées de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupées de cire, poupées de son. Tout le monde bat des mains avec moi. Le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, je bâtirai une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore. Oh, oh, oh, oh. Plus fort. Oh, oh, oh, oh. Encore plus fort. Oh, oh, oh, oh. Si j'avais une cloche. 14h, vous êtes toujours en compagnie de Vivienne Coe pour ce 25 décembre 2020. Pour le travail à l'aube et le soir pour la soupe, j'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. On chante tous en cœur. J'achanterai le jour, j'achanterai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, en retournant la terre, pour alléger nos peines. J'achanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Et si j'avais une cloche, puis si j'avais une chanson à chanter, je serais le plus heureux. Je ne voudrais rien d'autre qu'un marteau, une cloche et une chanson. Pour l'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. C'est le marteau du courage, c'est la cloche de la liberté. Mais la chanson c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, pour moi c'est le bonheur. C'est ça le vrai bonheur. Si j'avais un marteau. Si j'avais un bientôt vont se fermer. Et c'est là. d'autres gars l'ont fini. Queen. I need a shot of rhythm and blues. get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven. Dig these rhythm and blues. Music won't never stop. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. Dig to the rhythm and blues. stop? I wouldn't stop.

chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh yeah. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. À 15h12 ce 25 décembre 2025. N'oubliez pas de m'envoyer un petit follow avec votre numéro de commune, code postal et département, bien évidemment. Allez, j'attends votre petit coucou sur la page Didier & Co. A tout de suite. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah.

m'appelle l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Donne-moi ta main. La plus belle pour aller danser. que j'en 3 on. On Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still.

One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you want to do. But honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Car, drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you want to do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. For the show, free to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue. baby. Well, a shake, a shake, a shake, a shake, a baby. Oh. Yeah. avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tous les mille si tu ne me retiens pas. Je boirai tous les mille si tu ne me retiens pas. Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandra. Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Chicago. the money or your lives. They couldn't get away. All the loot they had, it made their minds mad. accord majeur, c'est une piste sans danseur. Et si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard des idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucré tombait, je l'ai le café renversé. Je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant que craque l'écran, mettant la gomme. J'avais détalé. La musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs. On sent tous son dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais un souffle, j'avais gardé car on ne peut pas se passer, chacun le sait. Ça m'a fait choquer. Danse jusqu'au bout de la nuit, des flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Tu chantes, chantes, chantes. Celebrate, it's all right. We're gonna have a good time tonight. Celebrate, it's all right. We're gonna have a good time tonight. Celebrate. voyage, voyage.

get so tired choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. This is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Listen to your God. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. This time for Africa. Yeah. Voilà, j'espère que cette petite escapade dans les souvenirs années 50, j'allais dire, non, 60, 70, 80, 90 et 2000 s'est bien passé avec, avec votre animateur Didier & Co. Je vous retrouve bien évidemment demain soir, pour la Mavrica 667. Donc pour ceci, j'ai préparé juste deux ou trois petits titres en clin d'œil pour des groupes que l'on a eu l'occasion de rencontrer ici à Radio Arc-en-Ciel, dans nos studios. Et je vais donc passer sur un groupe que j'apprécie particulièrement, des jeunes, ce sont des punks. Des punks, mais surtout des punks à bretelles, voilà, un petit peu décalés, mais bien sympa, n'empêche. C'est le groupe La Tournée du Baron. Et on va partir avec un morceau qui s'intitule « Dimanche matin ». J'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. En passant la colonne, ça ressemble à Verdun. Tous les trois comme des lobes qui ne comprennent plus rien. Entrés il y a une heure, vautrés sur le canapé, méditant sur le bonheur, ils sont pas prêts de bouger. Une heure sans envie, une vidange d'estomac. Café à la main, j'aime voir de mon balcon, non, pas passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins, debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Et mon voisin de palier, celui qui gueule quand je chante, se pose dans sa télé, ses émissions bandantes. Avec sa crône en bourre, assis devant téléfoot, il dit comme un sourd quand son équipe déroule. Sa femme passe de la serpillière et son mari en femme lui redemande la bière. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon, là on va passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Les gueux du rez-de-chaussée qui sortent un petit chien avant de partir prier, bien sûr, le 31, vers la cathédrale, un petit peu après l'autre, écouter les morales et être bon apôtre. Ils s'en ferment les yeux pour pas voir la misère d'un homme si bon, qui se nourrit pas de prière. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon, là on va passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins, debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Petite voix me dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors avec ce temps? Reviens vite te coucher sous la couette, je t'attends. Sans vraiment hésiter, je retourne au lit pour vraiment profiter sans penser à lundi. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon, là on va passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Enchaîne pour les derniers morceaux avec un petit quatuor de Nana. Ils sont super sympas, super pétillantes. Elles ont toujours le sourire. Elles sont peut-être un petit peu habillées à l'écossaise, sans le kilt, mais simplement le tissu. Les brunettes. We'll be right back. s'en cache. Une nuit dans mes visages danse en silence, au creux des vagues de mes rêves. Vers un horizon sans nom, j'ai dit non aux agressions, j'ai fait face à mes doutes. Je suis prête à te donner ce que tu attends de moi. Je danse en silence, au rythme des étoiles, je veux vivre. Je danse en silence, au rythme des étoiles, je veux vivre.